Émission Juvenile, écoute ça, bonhomme, écoute ça, bonhomme. Émission Juvenile, écoute ça, bonhomme, écoute ça, bonhomme. Dire que j'ai commencé dans le liquide amniotique, aujourd'hui alcoolique dans le liquide amnésique. Ça s'entend dans ma zik, y'a rien de magique. Tous les lundis, j'me dis, j'arrête le pitch, j'arrête le split. Vite, vite, j'arrête de voir les flics. La justice me donne mal au pit. Ici c'est trop morbide, ça vient de carnet crush pit. La vie nous fait à tous des putains de crochets. Mais on se relève toujours au pays. Alcool shit, on veut tous raccrocher. Mais sans ça c'est trop dur d'oublier. Le passé c'est mon moment caché. On y a tous pensé, apprécié cette putain de cachette. On cherche le bonheur, mais il sort jamais de sa cachette. Pour esquiver les pleurs, bouteille et barrette on achète. Ouais, ouais, pour oublier, bouteille et barrette on achète. Des pensées, tu le sais, tu le sais. Putain, je ne sais plus quoi penser. De mon présent, mon futur ou mon passé. Dans ma tête, je me torture, je ne fais que ça, c'est mon monde, c'est vrai, ce que je peux pas soigner. Putain, je ne sais plus quoi penser. De mon présent, mon futur ou mon passé. Dans ma tête, je me torture, je ne fais que ça, c'est mon monde, c'est vrai, ce que je peux pas soigner. Je sais pas si je veux grandir, dans le fond, je reste enfant. Whisky et bonbon ont remplacé mes pompons. Ici, je me défoule comme Kazer et ses pompons. Des fois, je fais le fou et je pète en sourd qui rebond. La vie une énigme, j'ai pas déchiffré le rébus. Zéro ce que je l'imagine et je me suis trompé dès le début. Les soucis s'accumulent, ils défilent tels des buts. Nos vies on les trouve nus, chaque jour on attend la suite. Trop de meufs sont vénales, plus le fric que la bite. D'autres les collectionnent et finissent par un suicide. Sexe et violence, 2009 c'est un bon cru. Une soirée excellente, c'est une bonne cuite et un bon cul. 2009 toujours la France, c'est l'euro qui nous encule. Sarko dit qu'on avance, c'est Nice au tout en cul. Trop de merde circule, héroïne coquée pilule. La vie fait un monde cadeau, l'amour c'est quoi ce bidule. Putain, je ne sais plus quoi penser. De mon présent, mon futur ou mon passé. Dans ma tête, je me torture, je fais creux, ça c'est mon mendiou, c'est blessure que je peux pas soigner. Putain, je ne sais plus quoi penser. De mon présent, mon futur ou mon passé. Dans ma tête, je me torture, je fais creux, ça c'est mon mendiou, c'est blessure que je peux pas soigner. Dis-moi quoi penser. Dois-je oublier ce putain de passé. Dis-moi quoi penser. Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que si. Est-ce que la vie, elle a un but? Est-ce que chaque vie est une grosse pute? À ces questions je dis non, non, non. Est-ce que tu m'as pris pour un con? Dans ce monde y'a un de bon. Et quand y'a plus d'euros, ça brasse et tu banques. Des postes, des normes, des cibles, c'est simple. Ça mange du ferme. Ça commence à s'espiche, piche. Est-ce que tu piches? Nos patrons nous défigent. La jeunesse vers la raison, j'en suis la preuve vivante. Devenu ton taran, reverrai-je un jour mes enfants? Est-ce qu'ils pensent à moi de temps en temps? À ces questions j'aimerais dire oui. Mais je sais plus quoi penser, donc je prie. Putain, je ne sais plus quoi penser. De mon présent, mon futur ou mon passé. Dans ma tête je me torture, je fais creux, ça c'est moi mon dieu, c'est bien sûr que je peux pas soigner. Putain, je ne sais plus quoi penser. De mon présent, mon futur ou mon passé. Dans ma tête je me torture, je fais creux, ça c'est moi mon dieu, c'est bien sûr que je peux pas soigner.